Alors, le débat, c'est sur les grandes vacances. Canette. La canette. Ouais, donc pour toi, alors, la question, tu l'as entendue? Non. Oh non, mais Pildaro, tu fais ton boulot ou quoi? Mais elle est toute fraîche. Je t'ai payé à quoi foutre, là, à te prendre les coups. Le Pildaro, c'est la dernière. C'est la dernière fois que je te préviens, hein. Préférez-vous prendre des vacances en France ou à l'étranger? Voilà, Pildaro, comme ça, t'es content. Ouais. Gérard, ouais. Sourire, excusez-moi, j'aimerais bien que, savoir ce que t'entends par étranger. L'étranger? Tu sais qui s'amuse à faire des co- comme ça? Merci pour celui qui répond bien, c'est bien. Donc, l'étranger, ça veut dire un pays d'outre, Dom-Tom. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire Martinique, même voire Canada. Voilà. Bon, je sens que tout à l'heure, ça va être clair, je vais virer tout le monde, parce que ça commence à m'énerver, cette histoire. Non, mais j'ai compris, en fait. T'as compris? Okay. Non, mais j'ai compris. Toi, t'as les cas de terre, parce que c'est sympa à cause de ta faute, maintenant. Non, mais... Alors, si tu veux saccager les débats, tu arrêtes. Mais non. Ok. C'est la dernière fois que je te dis, d'accord? Je te sens comme faire la saison comme ça. Non, mais ce que je veux dire, j'ai compris. Non. C'est que le camping sauvage, c'est la différence, c'est le contraire du camping moderne. Ouais, c'est ça. Alors, continue à dire ça. Et si j'ai des... Alors, Pildaro, c'est pas ton micro, je vais plus t'entendre de la soirée. Gérard. Pildaro. Tu bosses correctement. GG, il y a Tarkan qui me dit sur Minitel que de toute façon, les rencontres en vacances, c'est kiss tout double. Oh. Ça peut pas être kiss, hein, d'accord. S'il fait illusion ce que j'ai dans le cou, c'est même pas la peine. Hein. Ah non, je sais pas. Allô. Hey Manu, ça fait déjà deux fois que tu t'amuses à jouer durant la semaine. Non, tu vas arrêter tes petites copines, si tu vois. On va tirer. Dis-moi, j'ai besoin d'avenir. Non, alors, gros sang, on va tirer. Tu peux retourner au bout de la ligne. Débat qui va porter sur la vie en couple et pour ça on va accueillir Gisèle, 38 ans de Lille. Bonsoir, on écoute Top Fun Radio sur 92.2. Bonsoir à toi. Salut mon Gisèle, en fait c'est pas Gisèle, c'est Apolline parce que écoute, tu manques trop et j'ai essayé de passer, j'ai dû ruser avec Manu parce qu'il voulait pas me passer. Et Gisèle, tu manques trop, quoi, la bonne époque quand je te dis. C'est bien. Manu, t'éteins ton micro, s'il te plaît, merci.